Les deux éléments sont liés dans ce sens que le prophète, en tant que porte-parole de Dieu, doit d'abord écouter ce que Dieu lui dit, ensuite transmettre le message divin aux hommes. Lorsque nous proclamons l'évangile, ne négligeons pas certaines couches de la population. Nous devons multiplier les stratégies pour atteindre tout le peuple. Dans Matthieu 28, 19, Jésus avait donné l'ordre de faire de toutes les nations des disciples. Nous devions tous nous préoccuper d'aller vers tout le peuple non atteint par l'évangile, dans un contexte où certaines religions gagnent de plus en plus du terrain dans plusieurs nations. Nous devons cibler les riches aussi bien que les pauvres. Nous devons avoir des stratégies appropriées pour faire connaître Christ aux riches de ce monde. C'est dans ce contexte que, dans les grands hôtels, les grands restaurants fréquentés par les riches pourraient être des lieux d'évangélisation. L'évangélisation des pauvres peut être accompagnée par l'action sociale qui peut les prédisposer à écouter l'évangile. Je veux parler à quelqu'un. Oui, Dieu t'a fait la grâce, tu as des relations, tu as des moyens, tu as un poste qui te permet de financer l'évangélisation. Fais-le, parce que en soutenant l'évangélisation, tu es en train de contribuer pour le salut des âmes perdues. Deuxième vérité, la vanité des richesses de ce monde. C'est une réalité. Ce psaume dénonce l'attitude des hommes riches qui s'estiment heureux, qui placent leur confiance en leurs richesses. Il mentionne ce que ces richesses ne peuvent faire. Qu'est-ce que les richesses ne peuvent pas faire? Premièrement, il dit, ils ne peuvent racheter leur âme. Verset 8. Il y a quelqu'un qui pense que, à cause de l'argent, tu as des comptes bancaires, tu as des maisons ici, en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, en France, tu as des appartements. Mon ami, sans Jésus, ta destination, c'est l'enfer. Tu as besoin de Jésus. Parce que tes richesses-là ne peuvent pas racheter ton âme. Le rachat de l'âme se fait par le sang de Jésus et non pas par l'or ou par de l'argent. Cette réalité est traduite par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, 18 à 20. Il dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Ceux qui pensent qu'ils peuvent acquérir leur salut par les dîmes, les offrandes ou des dons importants qu'ils font à l'église se trompent. La dîme est importante. Le don est important. Mais ce n'est pas la dîme qui te permet d'aller au ciel, mon ami. Si tu ne t'es pas repenti en donnant ta vie à Jésus-Christ, même si tu donnes les dîmes de combien, même si tu donnes de grosses enveloppes, tu iras en enfer. Est-ce que tu comprends, mon ami? Ce n'est pas avec l'argent que tu peux racheter ton âme. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ephésiens 2, 8 à 9. Qu'est-ce que ce psaume nous dit concernant les richesses? C'est que les richesses ne peuvent pas faire. Deuxièmement, ils ne peuvent empêcher leur mort. Verset 10. Ce psaume dit que les riches ne vivront pas toujours. Les sages comme l'insensé périssent. Verset 11. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, Jésus dit que les pauvres mourut et les riches mourut aussi. Il est vrai que l'espérance de vie dans les pays développés est supérieure à celle des pays pauvres. Mais tous finissent par mourir. D'ailleurs, les maladies dites des nouvelles civilisations, telles que les AVC, diabète, cancer, sont très fréquentes chez les riches. Tout comme chez les pauvres. Qu'est-ce que les richesses ne peuvent faire? Troisièmement, ils ne garantissent pas leur éternité, car ces richesses sont éphémères. Verset 12. Le verset 12 dit que les riches vivent dans l'illusion, car ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles. Non, ces richesses sont éphémères. Troisième vérité, les pécheurs et les justes ont deux destinées différentes. Oui, ce psaume nous montre. Nous avons deux destinées différentes. Les pécheurs ici sont ceux qui se confient en leurs richesses. Ils sont honorés dans ce monde. Mais devant Dieu, ils ne sont pas honorés. C'est pourquoi le psalmiste dit, l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 13 et ça revient au verset 21. Il voudrait dire que leur destinée, c'est la perdition, la mort éternelle. La destinée du riche qui se confie en ses richesses, c'est le séjour malheureux de mort. Verset 20. La parabole du riche et du pauvre Lazare affirme la même réalité. Le riche mourut et il alla dans un lieu de tourment où il souffrait. Selon Luc 16, verset 23. Mais Jésus dit que ceux qui ne croiront pas en lui seront jugés et verront la mort éternelle. Ils seront jetés dans le feu éternel. les âmes des justes seront sauvées du séjour des morts et ils bénéficieront de la protection divine. Les justes fouleront les méchants aux pieds car ils régneront avec Christ et seront assis avec lui pour juger les 12 tribus d'Israël, nous dit Jésus dans Matthieu 19, 28. Lorsque le pauvre Lazare mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham, selon Luc 16, 22. Chacun de nous devrait se poser cette question. Si je meurs aujourd'hui, quelle sera ma destinée? Il n'est pas encore trop tard. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, repens-toi. Toi qui vis dans le fétichisme, tu vis dans le maraboutage, toi qui vis dans l'adultère, tu trompes ta femme. Il est temps que tu puisses te repentir. Le Seigneur t'accorde encore ce temps-là. Sinon, ta destinée, c'est la perdition éternelle. Ta destinée, c'est l'enfer. Accepte Jésus, repens-toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer par ce chant. L'amour des dieux de loin surpasse ses compétits des cœurs humains. Il est plus grand que les espaces, même à l'abîme. Il nous atteint pour les péchés. L'autre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde, il sauve les perdus. L'amour des dieux, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verset des langues dans tous les ondes, change le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout l'amour du Père. Est arrivé les hommes et remplirait les places entières des ces divins rouleaux. L'amour des dieux, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est les chants que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ce trône et ce roi, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien ne lasse pour nous encore. C'est le miracle de sa grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour chants que font entendre les anges et les saints. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire, il mérite la louange. C'est pourquoi je demande à chacun de vous de dire merci pour cette parole que tu viens de recevoir. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB partout en Côte d'Ivoire et dans d'autres continents, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, en Asie. Que Dieu vous bénisse. Partagez OSB par WhatsApp avec des amis et connaissances. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 49. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour que Dieu nous inspire des stratégies pour toucher le peuple non atteint et toutes les couches de la population avec l'évangile. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, nous te disons merci ce matin de ce que tu as veillé sur nous durant toute la nuit. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et c'est toi qui nous as réveillés ce matin. David déclare dans sa parole, je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tué. Quoique malheureux et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant et la parole venait sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître ta voix. Éternel, fais-moi connaître le nombre de mes jours afin que je sache combien je suis peu de choses. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la grâce, que tu nous donnes la stratégie afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile au peuple non atteint, annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu. Nous savons, ô Père éternel, que si nous sommes sauvés, ce n'est que par ta grâce. Si nous sommes sauvés, c'est que nous avons reçu l'évangile. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous puissions transmettre ce que nous avons reçu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que les cœurs endurcis sont amollis. Que tout voile qui couvre ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile soit déchiré et que l'évangile les touche et les qu'ils atteignent, afin qu'ils puissent venir au Seigneur et que leur vie soit transformée. Nous disons merci pour cette grâce que tu nous donnes, parce que nous avons l'assurance que ceux qui recevront ton message, leur vie sera transformée. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui prêchent, apprennent à écouter la voix du Seigneur et à transmettre fidèlement le message de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Notre Père, encore ce matin, nous sommes là pour te dire infiniment merci parce que tu nous combles de merveilles. Tu nous accordes la joie, l'allégresse. Tu es notre aide et notre victoire. Nous te bénissons parce qu'à l'intérieur de nous, tu fais de grandes choses. Tu opères de grands miracles. Tu nous donnes de nous dépouiller et d'être des hommes, oui, Seigneur, qui font ta volonté. Merci parce que tu t'es choisi tes enfants. Tu as mis à part tes serviteurs et tu les as fait comme don à l'église. Père, nous prions pour leur conduite. Que leur conduite soit irréprochable. Que tes enfants reçoivent ta parole. Qu'ils se consacrent à accepter ta parole. Qu'ils obéissent eux-mêmes à ta parole dans leur cœur et qu'ils ne commettent point de mal. Qui te demande toujours la révélation de ta parole. Ainsi, Seigneur, donne-les de transmettre fidèlement ce qu'ils ont reçu. Aide-les, Seigneur, ceux qui se sont détournés, fortifie-les, ramène-les. Encourage-les, Seigneur notre Dieu, à chercher ta face. Que l'Esprit de Dieu continue d'opérer dans leur vie. Et que tes serviteurs deviennent irréprochables, qu'ils deviennent des modèles, qu'ils deviennent des témoignages autour d'eux, dans leur ministère, dans l'église, en famille. Béni sois-tu pour ce message que tu mets dans le cœur de tes enfants, afin que ce message produise des fruits, que ce message produise des miracles, des signes et des prodiges, et que ton nom soit glorifié et magnifié. Père, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère toutes ces grâces et qui nous fait vivre que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui se confient en leurs richesses, afin qu'ils se tournent vers Christ et qu'ils comprennent qu'ils vivent dans l'illusion parce que les richesses ne peuvent les sauver. Les richesses ne peuvent racheter leur âme. Seule la foi en Jésus-Christ peut le sauver. Si tu as un frère, un ami, un parent qui ne connaît pas Jésus, prie pour lui afin qu'il se tourne vers Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance, de recevoir notre prière d'action de grâce. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous ceux qui sont riches, ceux qui sont matériellement riches, ceux qui sont financièrement riches. Nous demandons au Père éternel que tu te manifestes dans leur vie afin qu'ils puissent véritablement se confier en toi. La Bible déclare que malheur à celui qui se confie dans ses richesses. Nous demandons, Père éternel, que tu fasses en sorte qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont acquis, c'est par ta grâce, c'est par ta faveur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tu les fortifies dans leur esprit. Nous demandons que la crainte de l'Éternel habite véritablement en eux. Et nous demandons au Père éternel qu'en toute humilité, ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Jésus-Christ a déclaré, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous prions au Père éternel et nous demandons que la crainte de l'Éternel soit la première de leurs véritables préoccupations. Fortifie-les, Père éternel, guide-les dans tout ce qu'ils entreprennent, conduis-les dans le sentier de la justice. Merci, Père, pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.